Le polissage des marbres. Sur l'établi, m'attend sagement un marbre dont la forme est achevée. Difficile à décrire les figures abstraites. Il faut voir ou toucher. La forme est d'une couleur gris-blanc mêlée de rouge. La surface est rugueuse, et moi seul connais l'aspect final que prendra ma sculpture. Les marbres colorés ont ceci de passionnant qu'ils dévoilent leur teinte lentement, au fur et à mesure des étapes de polissage. Si je suis rapidement fixé sur l'apparence définitive que prendra ma forme, la couleur quant à elle se révèle toujours plus pure, plus éclatante que je ne le crois dans un premier temps. Je le confesse, je ne résiste que peu souvent à la tentation d'abréger le suspense en aspergeant d'eau mon marbre. Il me donne alors un avant-goût de la belle teinte qu'il prendra plus tard. À côté de ma sculpture, j'ai ordonné les papiers abrasifs du plus grossier au plus fin. Je saisis le granuleux avec cérémonie, le spectacle va commencer. Pendant des heures, je me berce du crissement mat du papier que mes mains font aller et venir sur le marbre, et les odeurs de poussière me transportent dans les carrières du monde entier. Je m'imagine barbu, le nez cassé, promenant ma terribilita dans la Toscane de la Renaissance, à la recherche du bloc qui me permettra de réaliser ma pietà. Je possède quelques photographies des carrières italiennes de marbre de Carrara, punaisées sur les murs de mon atelier et jaunies par le sole mio. Comme je sais bien que je ne réaliserai jamais mon rêve, j'imagine. Je me vois clairement, déambulant dans les montagnes de ce joyau blanc. Quoi de plus grisant que de se glisser dans la peau de Michel-Ange, d'endosser son caractère de granit pour parler rudement au carrier, refuser avec humeur des blocs fissurés ou trop veinés, invectiver les jeunes ouvriers qui lambinent. Je m'imagine, rentrant le soir dans ma chambrette spartiate au milieu des carrières, cabane de fortune réalisée spécialement pour moi afin de me minéraliser encore davantage, marbre au milieu des marbres. Suivant le rythme du soleil, travaillant du point du jour jusqu'au crépuscule sans ressentir aucune lassitude, j'actionne le marteau et la pointe, précis, puissant. Et les oiseaux locaux, blancs de poussière, viennent se reposer au son des percussions, décorant de leurs piaillements célestes les champs du marbre. Je suis seul, et mes rêves de pierre me transportent dans la peau d'un homme seul. Isolé, mais cohérent. Le bruissement de l'abrasif se fait plus féminin, et mon marbre charmé se met à rosir de plaisir. Quand je passe à l'étape suivante, les papiers au toucher ne sont guère plus râpeux qu'une feuille de buvard. Alors, trempant dans l'eau la cellulose imperméable, la couleur finale apparaît par intermittence, avant de se recouvrir d'une fine boue grise qui sèche en un instant. J'enchaîne les grains les plus fins, jusqu'au dernier, une caresse. Puis je rince soigneusement ma sculpture que j'essuie d'un chiffon. Vient la phase au cours de laquelle je traque avec attention les millimètres carrés de marbre qui auraient pu échapper à l'une des étapes de l'abrasion, ne prenant alors pas tout à fait la couleur souhaitée. Quand la chose se produit, je reviens sur la petite surface en question, que je soumets à nouveau aux différents grains, en partant des plus gros. Puis, enfin satisfait, la main gantée de latex, je trempe un morceau de coton humide dans une poudre magique, légèrement acide, avec laquelle je frictionne vigoureusement toute la surface de la sculpture pour réchauffer les rouges, rassurer les gris. L'opération terminée, je transporte avec prudence l'objet de mon attention vers la cuisine, où je lui fais subir un bain minutieux sous le robinet de l'évier, un baptême profane. J'essuie le marbre au chiffon doux afin d'éponger l'excès d'eau, avant de déposer ma sculpture au centre de la table du salon. Le soleil est maintenant fort bas dans le ciel, et me couvrant d'un gilet, je me prépare un chocolat chaud. La tasse fumante à mes côtés, j'admire ma dernière création en lui susurrant des mots doux. Quand je la caresse, je l'entends ronronner avec moi. Je suis bien en attendant mieux. La forme et la couleur du marbre me plaisent. Ma journée a été pleine d'une solitude amicale. Mon corps est réchauffé de plaisir et de chocolat. Je peux maintenant, apaisé, me vautrer dans mon fauteuil préféré. Mon ami de papier va continuer son histoire. Je lis avec délice jusqu'à ce que le sommeil vienne et je fais l'être humain en adoptant dans mon lit la position horizontale, yeux clos. On pourra me reprocher ma vie dépourvue d'aventures, mais aujourd'hui, j'ai voyagé plus que beaucoup d'entre vous. J'aime les périples intérieurs. À ma façon, je suis un écrivain voyageur, consignant chaque nouvel apprentissage dans les cahiers de ma mémoire. Moins brillant, moins captivant que les baroudeurs du monde physique, je ne suis pas le centre d'attraction des derniers salons où l'on cause. Mais on sait à présent que je ne les fréquente pas. Bonne nuit.